salas, ça superce au cœur en pleurs dans lequel tout un univers s'amasse. Le malaise se ramasse et casse comme un chant d'acalas. Ça balle la basse, tu chanteras Texas jusqu'en Arkansas. Quand sans ça, la masse amasse du jan masse. Plutôt que bouffer des tapas, tu t'entrapes un souhait. T'as la classe, pas celle de Fabrice, mais celle que tu sens sans cesse dans ton pancréas. Jamais assez las pour lancer des bassistas. 20 sesterces, elle vaut plus que 4 caridas dans un western. Avec ta veste terne, tes vestiges ternes. Normalement, dans des veines d'aine, amène l'éden qu'on s'éternise. Plus rebelle que Sean Penn sur une scène à Venise. Emmène des sirènes s'il faut que tu freines alors que tu peines aussi vite que Zenden. Mène tes marraines, te parraines pour éviter de couler dans la scène ou que les larcènes. C'est l'art malsaine, c'est des mêmes contre ton enveloppe charnelle reine. Je ne crains rien, protégé par un étrange crâne de crin. Je ne crois rien, fustigé dans le creux par crâne de vaut rien. Je ne crains rien, protégé par un étrange crâne de crin. Je ne crois rien, crains rien, crois rien, crains en rien. Dès lors, le murmure de l'armure vaut de l'or et l'orfèvre en étant fait un mur et collabore. De tout bord, tu baves des bornes contre ces mille sabords, ces barbares qui arborent. Toi, tu restes des gros or. Pour enfin noyer ton nom propre sous des eaux propres, tu portes en porte à porte un propice prêtre cloporte qui comporte une compote d'astuces et de bons potes. Au prochain stop, les taupes se pointent, toi, tu restes à ton poste. Et pas tant de pallier l'absence de bons sentiments en se fermant l'âme avec du plâtre et du ciment, essayant de railler le sens des cons attirants en germant la navette écarlate et de ciment. Un démange et qu'il est démenti demeure décevant, décevant les devantures devant. Il les donne aux adhérents d'aventure en désaventure, demeure errant, terminera dans 2 ans en devenant cas du divan.